Nicole Morand, Un impossible amour. Chapitre 1er. Mario Servan releva la tête, abandonnant pour un instant la lecture du magazine déployé devant lui. Jusqu'à cet instant, il avait été seul dans la salle du restaurant de cet hôtel discret, où les skieurs n'étaient pas encore arrivés en bande comme les années précédentes. Un couple venait d'entrer qui s'asseyait à la table voisine de celle de Mario. L'homme était grand, bâti en force, d'aspect rude et dominateur, les yeux étincelants, beau en somme, mais de cette beauté brutale qui fascine les femmes tout en les effrayant. Elle, très différente, évoqua irrésistiblement pour Mario la pensée d'un oiseau. Les cheveux lisses, menus, effarouchés, ses grands yeux clairs emplis d'une douceur craintive, elle semblait prête à se rétracter au moindre contact. « Elle doit être malheureuse, » pensa Servan, et une onde de pitié irraisonnée l'envahit pour cet inconnu. Peut-être le regard de Mario avait-il été trop insistant. Il entendit les paroles de l'homme, disant à sa compagne d'une voix grêle « Josie, changez de place avec moi !» La jeune femme devint très rouge, commença une phrase que Mario ne put comprendre, puis, se levant, obéit sans avoir protesté. Servan se replongea dans sa lecture, pensant oublier l'incident, mais pendant tout le repas, il sentit sur lui les yeux sombres de son voisin, et sans cesse, les pensées du jeune homme revenaient au couple voisin qui poursuivait le repas dans un silence quasi total. « Pauvre petite, se dit Mario, pourquoi lui ai-je occasionné ce désagrément? Ils ne doivent pas lui manquer. » Servan connaissait peu les femmes et il les aimait de façon romanesque. Il n'avait guère eu le temps de les approcher de très près au cours de ses années d'études dans les écoles militaires qu'il avait fréquentées. Officier de carrière, Mario avait presque tout de suite été détaché aux affaires indigènes et il faisait fonction de chef de poste dans une oasis saharienne, blonde comme une chevelure d'enfant et nue comme un beau corps de déesse. À côté d'un travail qui l'enthousiasmait, Mario connaissait des heures de complète solitude, mais l'ennui jamais ne l'avait effleuré. La lecture, la musique et les souvenirs lui tenaient lieu de distraction. Depuis 3 ans, c'était son premier congé. Paris, d'abord, l'avait attiré, mais il s'y était senti étrangement perdu. Il avait eu l'impression de tomber dans un autre monde où tous les êtres gesticulaient vainement, agissant comme des pantins, parlant trop et dans une langue que Mario ne comprenait plus. Le jeune homme s'était trouvé dépaysé et, très vite, il s'était réfugié dans cette station de sport d'hiver. C'est là qu'il était venu autrefois, à plusieurs reprises, avec sa mère, morte depuis peu, sans qu'il ait eu le temps d'accourir pour l'assister au moment terrible. Sa mère, une femme délicieuse, féminine, racée, compréhensive, une amie, une sœur, en même temps qu'une mère. Et sa présence manquait terriblement à Mario. Pourtant, il se sentait à l'aise dans la montagne. Les immenses champs de neige lui rappelaient l'étendue pâle des sables chauffés à blanc par le soleil d'Afrique. Ses poumons se dilataient à l'aise dans l'air pur et froid chargé de senteurs résineuses. Pas plus qu'en son oasis, la solitude ne lui pesait. L'expérience parisienne, pour courte qu'elle eût été, avait fait la preuve que Mario n'était plus fait pour le monde civilisé. Tout de suite après le repas, laissant dans la salle à manger le couple si mal assorti, il avait chaussé ses skis et il était parti à l'aventure, sans but précis, heureux de sentir ses muscles souples, sa détente précise, tout son être physique obéissant comme une machine bien réglée au cerveau qui le guidait. Descendu dans la vallée, il était remonté par le téléphérique et il projetait une descente de grand style en coupant par un bois de pin. Son œil s'arrêta un instant sur le trajet à parcourir et il s'élança. Peu à peu, sa vitesse s'était accélérée. Il allait quitter le bois de pin pour aborder la grande descente après un virage rapide lorsque, débouchant de l'espace boisé qui, jusque-là, lui avait caché l'horizon, Il se rendit compte qu'il filait droit sur une mince silhouette descendant la pente, elle aussi sur ses skis. Le choc était inévitable. Mario eut beau freiner le plus possible avec ses bâtons, il aborda la skieuse par le travers. Mais il était parvenu à réduire considérablement sa vitesse et le heurt fut si léger que la jeune femme chancela à peine, retenue par le bras que Mario avait tendu instinctivement. « Excusez-moi, il allait dire mademoiselle, tant elle paraissait jeune et frêle, mais il se reprit tout de suite, reconnaissant la jeune femme de l'hôtel. « Madame, je suis maladroit une fois de plus. » Elle eut un rire léger en demandant « Une fois de plus, je ne suis donc pas votre première victime ?» Tout à l'heure, déjà, à table, elle le reconnut à son tour et rougit imperceptiblement en affirmant « C'est sans importance, mon mari est un peu violent. » « Je le comprends d'être jaloux en ce qui vous concerne. Les avares veillent toujours sur leur trésor. » Un sourire triste détendit le visage craintif. « Ce n'est certainement pas cela, » dit-elle. Et elle ajouta tout de suite, « Mais je dois partir, mon mari m'attend en bas. » Elle ne partait pas, elle fuyait. Mario avait compris qu'elle ne désirait pas finir la descente à sa compagnie et, appuyé sur ses bâtons, il a regardé filer, envahi une fois de plus par une immense pitié pour la détresse intérieure qu'il devinait. Il devait d'ailleurs en avoir la confirmation le soir même, tandis qu'il changeait de tenue pour descendre dîner. Ses voisins de table étaient aussi ses voisins de chambre et les minces cloisons laissaient entendre tout ce qu'il se disait à côté. « Tu ne vas pas mettre cette robe pour le dîner ?» disait la voix rude et forte. « Elle te déplaît ?» entendit Mario. « Beaucoup trop habillée puisqu'il n'y a pas un chat. Tu n'as personne à séduire que je sache. » Un murmure indistinct répondit à l'apostrophe ridicule. Mais la voix impérieuse reprenait « Maquille-toi un peu, je te prie, et quitte cet air de martyr qui m'est odieux. Je n'ai pas envie de dîner en face d'un morceau de bois comme à midi. » Il y eut un silence très court et Mario entendit encore « Josie, où as-tu mis la pochette qui va avec cette cravate ?»« Je n'y ai pas touché, Luc, elle doit être avec les autres. » « Je te défends de toucher à mes affaires, entends-tu? Tu ne sais y mettre que du désordre. C'est insupportable. Ah, la voilà !» Mario, excédé, quitta sa chambre. « Quelle brute » pensa-t-il. Il fit, après le dîner, une courte promenade et, lorsqu'il regagna sa chambre, ses voisins étaient déjà remontés. À nouveau résonna la voix grondeuse. Et dans les jours qui suivirent, Mario entendit malgré lui les scènes incessantes. L'homme commandait, se fâchait, ordonnait, défendait, blessait. Josie émettait de timides protestations, mais toujours elle était réduite au silence et dans des termes tels que Mario se demandait « Mais comment peut-elle le supporter ?» L'officier, pourtant, fut un peu distrait dans l'attention que, malgré lui, il portait au couple par l'arrivée d'hivernants qui, peu à peu, emplirent l'hôtel jusque-là silencieux d'animation et de rires heureux. Très rapidement, Mario fut entraîné par l'une ou l'autre de ces bandes joyeuses, composées de filles et de garçons sportifs pleins d'entrain. Il aima tout de suite la compagnie de ces êtres jeunes et sains, liés par une camaraderie sans arrière-pensée, consacrant les journées à la neige et le soir à la danse, à moins que la douceur de la nuit n'incitât à une promenade. Les voix jeunes et claires trouaient le silence sans altérer l'harmonie de la montagne dont l'écho renvoyait, assourdi, les refrains scouts et les vieilles chansons à la mélodie simple. Mario était heureux. Il était de toutes les compétitions amicales, de toutes les excursions, de toutes les ascensions hardies. Parfois, il rencontrait Josie qui se promenait souvent dans la montagne, presque toujours à pied. Sans doute, son mari lui interdisait-il les longues promenades à ski qui l'eussent éloigné trop longtemps de son contrôle jaloux. Josie souriait à Mario, bavardait parfois quelques instants si la rencontre avait lieu assez loin de l'hôtel. mais les propos échangés étaient toujours insignifiants. L'état de la neige, la dernière exhibition sur la patinoire, les nouveaux arrivés à l'hôtel. Et pourtant, malgré la banalité de la conversation, Mario sentait toujours chez la jeune femme cette tristesse infinie, ce désenchantement qu'elle ne pouvait chasser de ses yeux clairs et qui perçait dans sa voix un peu lasse. Josie intéressait Mario. Il aurait voulu en savoir davantage sur cette jeune femme. Mais ne connaissait-il pas le drame de sa vie? Un mari jaloux, brutal, despotique, injuste, grossier souvent. L'officier aurait voulu venir en aide à Josie, la sauver, l'arracher à la vie pénible qui était la sienne. En s'arrêtant auprès d'elle ce jour-là, il avait crié à ses compagnons « Je vous rejoins en bas !» Mais maintenant que Josie était partie, il n'avait plus envie de suivre ses amis. Mario s'assit sur une roche, goûtant la caresse du soleil, évoquant l'image de celle qui venait de le quitter, comparant Josie aux jeunes filles et aux jeunes femmes qu'il coudoyait chaque jour depuis quelque temps. Comme Josie était différente. Aucune autre ne lui apportait cette émotion très douce, aucune ne lui laissait, quand elle le quittait, ce lancinant regret d'une présence chère, d'une âme d'élite malmenée par la vie. Et Mario se rendit compte que, doucement, à son insu, son cœur avait glissé à l'amour. Il ne pouvait plus appeler pitié cet élan vers Josie, ce frémissement qui l'agitait lorsqu'elle paraissait au restaurant, cette joie qui l'inondait lorsqu'il tenait la main au doigt long, à la paume étroite. Mais Mario était un être loyal. Il lui répugnait d'enlever une femme à son mari, celui-ci fut-il comme Luc, indigne et brutal. Jamais Josie ne saurait qu'il l'aimait. Il enfouirait cet amour au plus profond de lui-même, dans le sac aux souvenirs, et là-bas, quand il aurait regagné le bled, il garderait seulement l'image très pure de la jeune femme. Mario ne dînait plus jamais seul. Presque chaque jour, son couvert était mis à une table différente et il lui fallait quelquefois une certaine diplomatie pour tenir la balance égale entre ses nouveaux amis. « Vous avez vu le beau Luc ?» demanda ce soir-là le voisin de Mario. « Le beau Luc !» C'est ainsi que la plupart des hôtes de la maison appelaient le mari de Josie, antipathique à tous, comme il était à Mario. « On ne peut pas ne pas le voir, » répondit Mario, gêné. Luc, en effet, depuis quelques jours, faisait ouvertement la cour à l'une des servantes, celle qui était affectée au service de sa table. Il plaisantait ouvertement avec cette fille vulgaire, bien bâtie, certes, mais violemment maquillée, et qui répondait hardiment aux avances de Luc, sans se soucier de Josie, plus triste et plus effacée que jamais. « Il exagère quand même, » reprit le voisin de Mario. « Tout l'hôtel est au courant. Il ne se gêne même pas pour la lutiner dans les couloirs. Tromper une femme comme la sienne et avec une créature comme Lisa, quel goujat !» Mario ne répondit rien. Il aurait craint de se trahir en abondant avec trop de chaleur dans le sens de son interlocuteur. Ce n'était pas la première fois, d'ailleurs, que Mario avait des échos de la conduite odieuse de Luc. Son antipathie pour le personnage s'en trouvait renforcée d'autant, comme aussi sa tendre et impuissante pitié vis-à-vis de l'épouse bafouée. Le repas touchait à sa fin lorsqu'une voix s'éleva, s'adressant à toute la table. « Promenade, ce soir ?»« Bien sûr » fut-il répondu d'une seule voix. « Vous en êtes, servant ?»« Avec plaisir !» répondit Mario, qui avait lui aussi remarqué la splendeur de la nuit. Il engoûtait si intensément le charme qu'au retour, il abandonna ses compagnons au seuil de l'hôtel. « Il est trop tôt pour moi, leur dit-il, je reste encore un peu dehors. »« Et la danse, lâcheur ?» questionna une grande fille mince et blonde qui semblait beaucoup aimer la façon de danser de Mario. L'officier répliqua avec un sourire qui adoucissait le refus. « Pas ce soir, Marianne, je suis un peu là. » Et il repartit dans la nuit claire, grimpant le sentier qui, de l'hôtel, conduisait à une sorte de plateforme, d'où l'on découvrait une vaste étendue neigeuse et où il pensait s'asseoir pour rêver à son aise dans le grand silence. Mario était persuadé qu'il s'y trouverait seul à cette heure tardive, mais au moment où il touchait presque au bout, il fut surpris d'entendre un bruit de voix, la voix de Luc qu'il reconnut tout de suite, coupante et coléreuse, et de voir trois silhouettes dont l'une gesticulait avec violence. Peu soucieux d'intervenir dans la scène qu'il devinait, Servan se glissa derrière un sapin en bordure du sentier. Mais un instinct secret le poussa à se rapprocher et il continua son ascension en se dissimulant parmi les troncs. Il reconnut Josie Blem et Lisa, la servante, qui souriait d'un air niais. La voix, maintenant, dont le diapason montait sans cesse, lui arrivait distinctement. « Pourquoi es-tu sorti ce soir alors que je te le défends ?»« Tu ne peux pas m'obliger à rester enfermé à l'hôtel pendant que tu sors chaque soir ou presque. Je ne fais rien de mal en venant ici, tout près de la maison. » L'homme eut un ricanement avant d'imiter méchamment la voix douce. « Je ne fais rien de mal !» Et il reprit, avec ce ton odieux qui était le sien, « Tu m'épies, tu me surveilles. Tu es jalouse, avoue-le donc, sainte Nitouche. Tu fais ce que bon te semble. C'est cela, joue les martyrs, tartuffe, hypocrite. Mais avoue-le donc que tu m'as suivi, que tu voulais savoir qui j'allais rencontrer. Eh bien, tu es servi. C'est avec Lisa que j'avais rendez-vous et je m'en vante. Elle, au moins, c'est une femme, une vraie, pas un sac d'os comme toi. Tu es renseigné maintenant, alors file et en vitesse. » La voix de Josie se fit exceptionnellement ferme pour répondre. « Avant de filer, comme tu m'y invites si doucement, permets-moi de te dire ceci. Tu peux penser ce que tu veux, croire ce que bon te semble. Je te répète que je suis venu ici par hasard. Tout ce que tu viens de raconter ne m'intéresse nullement. J'en ai vu d'autres, d'ailleurs. Sache une fois pour toutes que je ne m'abaisserai pas à t'espionner pour savoir ce que tu fais avec une fille pareille. » Lisa, bêtement, se mit à ricaner, fière que Luc, dès le début de la scène, lui priait de rester, affirmant qu'il aurait tôt fait d'expédier sa femme. Mais Josie, au lieu de courber la tête, comme toujours, s'était défendue cette fois et ses derniers mots avaient achevé d'exaspérer Luc, qui marcha sur elle, la main levée. Il n'acheva pas son geste. Mario avait bondi, saisissant avec promptitude le poignet de l'homme. « De quoi vous mêlez-vous ? » gronda Luc. « Je n'ai pas l'habitude de laisser maltraiter une femme sous mes yeux, » répliqua Mario avec calme. « Vous l'aurez cherché !» lança la brute en se jetant sur l'officier, qui para le coup, puis le suivant, et qui attaqua à son tour. Luc était la force brutale, Mario la souplesse et la science. La bagarre fut rude, mais courte. Quelques instants après l'intervention de Mario, Luc gisait à terre, incapable de reprendre le combat. La servante s'était éclipsée et Josie contemplait les deux hommes aux prises, les yeux agrandis de terreur. Elle n'eut pas un mot quand elle vit son mari à terre. « Nous n'avons plus qu'à le ramener à l'hôtel, » dit Mario simplement. « Je le crois trop rudement touché pour qu'il redescende tout seul. » Luc, d'ailleurs, n'avait pas perdu connaissance. Il fixait Josie et Mario d'un regard plein de haine et son premier geste fut de repousser les mains tendues pour l'aider à se relever. Mais Servan avait raison. Il dut bon gré malgré accepter le soutien qu'on lui offrait et il regagna l'hôtel entre Josie et Mario. Le hall était désert, le portier à demi endormi et le triste retour se fit sans qu'il fût besoin de donner d'explication à quiconque. Luc s'était tu pendant le court trajet, mais quand il fut étendu sur son lit, la fureur le reprit au moment même où Mario gagnait la porte. D'un effort violent qui lui arracha un gémissement, il redressa le buse, tendit le bras. « Va-t'en » hurla-t-il à l'adresse de Josie, qui mouillait une serviette pour laver le visage tuméfié de son mari. « Va-t'en, je me moque de tes soins, je ne veux plus te voir, ce sont toujours les plus garces qui se mêlent de critiquer la conduite des autres. Mais va-t'en donc !» Terrifiée, la jeune femme avait reculé au fond de la pièce, mais Mario marcha vers elle, lui prit la main et, décidé, sans un mot, l'entraîna hors de la chambre. Chapitre 2. Je ne peux pas tout vous dire, c'est impossible, c'est trop laid. Josie parlait à mots entrecoupés. Les larmes, maintenant, coulaient sur ses joues, réaction salutaire après la scène horrible. Mario l'avait emmenée au bar, l'installant dans un fauteuil profond, l'obligeant à boire quelques gorgées d'alcool, disant de sa voix profonde, où vibrait une tendresse contenue qu'il ne songeait plus à cacher. « Je ne veux pas forcer vos confidences, mais je sais que vous êtes malheureuse. Je le sais, depuis le premier instant où vous avez pénétré dans la salle à manger, et tout ce que j'ai vu depuis n'a pu que me confirmer dans cette certitude. Une peine est moins lourde si elle est partagée. Laissez-moi vous aider à porter votre fardeau. » Josie tendit sa main que Mario caressa doucement, tandis que la jeune femme se calmait peu à peu. « Merci, mais je ne peux pas tout vous dire, » avait-elle déclaré tout d'abord. Mais Mario insistait. « Vous ne pouvez pas continuer à supporter cet homme qui non seulement vous trahit, mais encore vous fait une vie odieuse. La coupe est pleine, il me semble. »« Tout est de ma faute, » dit enfin Josie à voix basse. « Écoutez, vous jugerez après. » »« J'avais 18 ans, il y a 3 ans de cela, 3 ans qui me paraissent 3 siècles. J'étais heureuse, sans souci. Je menais la vie que mènent toutes les filles de cet âge qui appartiennent à la grande bourgeoisie de province. C'est à Saint-Étienne que je suis née, que j'ai passé toute ma vie. Mon père possédait une importante usine de mécanique dont la réputation solidement établie assurait à la maison plus qu'une large aisance. Nous sortions beaucoup, recevions souvent, mais à côté de la vie mondaine, je m'étais organisé une vie studieuse qui me donnait l'impression de n'être pas tout à fait une poupée sans cervelle comme beaucoup de mes amis. Je m'intéressais passionnément aux beaux-arts et je suivais régulièrement les cours de l'école d'architecture. Luc, alors, parut dans ma vie. Mon père avait l'habitude de recevoir à la maison, plusieurs fois par an, ses ingénieurs et ses chefs de maîtrise. Il y avait un grand dîner, toujours suivi d'une soirée dansante où beaucoup de mes amis étaient invités. C'était comme une fête un peu familiale où régnait toujours l'entrain et la gaieté. La première fois que Luc me fut présenté comme un des nouveaux ingénieurs de la maison, je sus que je lui appartenais. Souvent, pendant le dîner, il posa sur moi son regard dominateur, nuancé de douceur, du moins à cette époque, car depuis... Et quand il m'enlaça pour danser, quand il me dit que j'étais la plus jolie, quand il prit congé en gardant ma main dans la sienne, un peu plus longtemps qu'il n'eût fallu, le mal était déjà fait. C'est avec un sentiment de révolte intérieure que, le lendemain, j'entendis mon père, pendant le déjeuner, poser à ma mère la question rituelle sur les nouveaux. « Que penses-tu de Luc Merviel ?»« Incontestablement, beau garçon, » répondit ma mère en riant. « Trop beau, » répliqua mon père, l'air soucieux. « Il a déjà fait quelques dégâts parmi le personnel féminin, et si j'en crois ce qui m'a été rapporté, il ne borne pas à l'usine le champ de ses exploits. » Sa vie privée n'a pas à t'inquiéter dès l'instant que tu es satisfait de ses services. Satisfait, c'est beaucoup dire. Il a une valeur certaine. Il pourrait devenir quelqu'un, mais j'ai l'impression qu'il bâcle son travail, qu'il ne s'y intéresse que d'assez loin. Dommage. J'ai su plus tard, poursuivit Josie, qu'il jouait gros jeu dans un cercle assez mal famé et que Luc avait de lourdes dettes. Mais le portrait tracé par mon père ne m'arrêta pas sur la pente fatale. Au contraire, je m'exaltai en secret à la pensée de faire de Luc un homme digne et courageux. « Il est seul ici, me disais-je. Il n'a pas de famille, pas de foyer. Il est normal qu'un garçon de son âge cherche des distractions après le dur labeur de l'usine. Pas travailleur? Mon père a-t-il vu lui-même son travail ? Ne s'attache-t-il pas trop au rapport des vieux ingénieurs qui, peut-être, jalousent le nouveau venu ? J'avais revu Luc dans d'autres salons que le nôtre, car il s'était introduit dans les meilleures familles de la ville, et toujours il me regardait avec cette attention soutenue, cet air de prière qui me laissait sans force et m'attachait à lui bien plus que des mots. Il m'hypnotisait littéralement. Sa pensée ne me quittait plus, je ne vivais pleinement que les jours où je savais devoir le rencontrer. Un jour, au cours d'une garden party, ce fut le premier baiser, le « Je vous aime, Josie », que j'attendais, que je souhaitais ardemment. Et la question précise enfin « Accepteriez-vous de devenir ma femme ?» J'ai répondu « Oui, bien sûr ». Mon père, de temps à autre, reparlait de Luc en des termes qui eussent dû me mettre en garde. Mais je persistais dans mes idées de rédemption, sûr que Merviel s'amenderait quand il connaîtrait la douceur d'un foyer. Plein d'attention pour moi, toujours prévenant et empressé, il me semblait impossible de trouver en Luc une nature foncièrement mauvaise. L'idée ne m'effleura même pas que ma dot comptait pour beaucoup dans l'attitude de cet homme vis-à-vis de moi. Je vous ai dit tout à l'heure que mes parents avaient une grosse fortune, mais je n'ai pas précisé que j'étais, suivant la formule consacrée, le plus beau parti de Saint-Étienne. Mon beau rêve connut tout de suite une première déception. Lorsque Luc vint demander ma main, le lendemain de la garden party, mon père refusa tout net et mes larmes ne réussirent pas à l'attendrir. « Je t'aime trop, Josie, pour te donner à un paresseux, à un être volage qui te rendrait malheureuse. Merviel ne me donne satisfaction ni par son travail, ni par sa conduite. Il tient à ta dot beaucoup plus qu'à toi-même, je le parierai. Il changera beaucoup lorsque nous serons mariés, j'en suis sûre. Et puis, je l'aime aussi. » Tu l'oublieras, Josie, il n'est pas digne de toi. Croisant mon expérience et notre affection à ta mère et à moi. Nous nous sommes revus, en cachette le plus souvent, et Luc semblait ne pas s'offenser outre mesure du refus subi. « Je vous aime, Josie, je veux que vous soyez ma femme. Puisque vous ne pouvez fléchir vos parents, demandez votre émancipation et vous ferez ensuite les sommations d'usage. » Je répugnais à cette solution. Je ne voulais pas causer une peine si dure à mes parents, à ceux qui m'entouraient d'une telle affection, d'une tendresse si chaude. J'espérais les convaincre peu à peu, mais plus le temps passait, plus je me rendais compte que je ne réussirais jamais à réduire leur prévention vis-à-vis de Luc. J'avais essayé, avec tout le doigté possible, de suggérer à Luc de travailler davantage, de moins faire parler de lui en ville, de donner à mes parents l'impression d'un homme digne d'eux et de moi, mais il avait protesté avec tristesse, une tristesse feinte sans doute. « Vous n'attachez pas foi à des racontars provinciaux, Josie ?» Aucune chance, donc, de voir mes parents revenir sur leur décision, et malgré mon immense chagrin, malgré les instances de Luc, je ne me décidais pas à agir comme il me le demandait. Et ce fut lui qui força le destin. Un soir, une ombre surgit de mon balcon, bondit par la fenêtre ouverte, Luc. Luc qui avait grimpé jusqu'au premier étage en s'aidant des saillies de pierre. Je ne pus retenir un cri de frayeur, le cri des enfants en détresse. « Maman !» Ma mère accourut, resta clouée au seuil de ma chambre par le spectacle qu'elle avait sous les yeux. Luc debout au milieu de la pièce et moi, à demi nu, ayant bondi hors de mon lit sans même passer ma robe de chambre. « Trop tard !» ricana Luc avec une voix que je ne lui connaissais pas avant même que ma mère ait pu prononcer un mot. « Quoi que vous fassiez, dit-il, elle est mienne maintenant. » Très pâle, maman se tourna vers moi. « Est-ce vrai, Josie ? » demanda-t-elle. Je n'ai pas eu le courage de nier. J'ai baissé la tête comme une coupable, joyeuse de sacrifier mon honneur aux yeux même de mes parents. C'est ainsi que s'est fait mon mariage, très vite d'ailleurs. J'étais heureuse, ou du moins je le croyais. Luc, pourtant, se révéla très vite, tout différent de ceux que j'avais rêvés, de ceux que j'avais connus pendant qu'il me courtisait. Fini les attentions, les paroles douces, les regards tendres. Il était sans cesse de mauvaise humeur, grondant pour des riens, dur, violent, tel enfin qu'il est maintenant. Un mois après notre mariage, il renvoyait la femme de chambre avec des paroles grossières, et cette fille, pleine de haine, me lança avant de partir. « Je plains, madame, de devoir vivre avec un être pareil. Il me renvoie parce que je n'ai pas voulu lui céder. Qu'il retourne à ses filles d'usine, à la belle rousse, qu'il a séduite 2 jours après votre mariage. » Je parlais à Luc le soir même, véhément et indigné, persuadé d'ailleurs qu'il allait se montrer confus, solliciter son pardon immédiat. Mais il se moqua. « Aucune importance, dit-il avec légèreté, tous les hommes sont ainsi, tu ne devrais pas l'ignorer. Et puis, penses-tu retenir un homme avec tes maigres appas ?» Tout s'écroulait en moi, il saccageait tout avec une telle attitude, et je ne pus retenir la question. « Alors, pourquoi m'as-tu épousée ?» Tu me plaisais assez, du moins je le croyais, et je n'avais pas encore tâté de loi blanche. Ça m'amusait. Et puis, il y avait ta dot, intéressante elle aussi. J'en avais assez de travailler pour les autres. Le moment est venu, d'ailleurs, de t'informer que je vais acheter une usine, travailler à mon compte et concurrencer ton père. J'aurais vite raison de lui, avec ses méthodes désuètes et ses conceptions de provincial timoré. Tu oserais faire cela? Je vais me gêner. Tu es ignoble. Oh, pas de grands mots, je t'en prie. Maintenant, tu as tout intérêt à rester tranquille. Tu as voulu m'épouser, c'est fait. Ne te couvre pas de ridicule en allant pleurer chez ta mère. Il avait raison, le misérable. Je ne pouvais rien contre lui. J'ai réfléchi, j'ai cédé. Tout était fini, brisé, souillé. Il était trop tard pour revenir en arrière. Que pouvais-je faire d'autre que souffrir en silence, cacher ma misère, ma détresse, faire comme si j'étais heureuse? Dès cet instant, j'ai su que je n'aimerais plus jamais, ni Luc, ni un autre, mais je voulais quand même encore essayer de changer cet homme par ma bonté, ma douceur, mon indulgente compréhension. J'ai mis bien peu de temps à perdre mes dernières illusions, à voir l'inanité de mes efforts. Il a acheté l'usine. Il s'est conduit de la façon la plus déloyale vis-à-vis de mon père, qu'il a cherché, comme il avait dit, à concurrencer directement. Inutile de vous dire que mes parents ont rompu avec lui, avec nous, car j'ai été lâche encore. J'ai pris parti pour mon mari. Mais Luc, malgré ses airs fanfarons, n'avait pas l'étoffe de mon père, ni surtout son amour du travail. En 18 mois, l'usine a périclité. Il a vendu avec une perte énorme, engloutissant le produit de la vente dans une folle spéculation boursière que tout le monde lui avait déconseillée. Ma dot comportait un domaine important aux environs de Saint-Étienne, avec une vieille maison qui m'était chère. Luc a vendu tout cela et depuis, nous vivons sur ce capital avec une insouciance qui me terrifie. C'était les dernières bribes de ma fortune avec l'hôtel qui nous reste à Paris. » Josie garda le silence un instant, puis elle reprit d'une voix plus basse. « J'ai l'impression de m'être enlisée, de m'être avilie en continuant à vivre avec cet homme. Depuis quelques mois, nous errons d'hôtel en hôtel, de plage à la mode en station d'hiver. Je subis les scènes, je vis comme un automate. J'ai perdu la force de réagir et, par instant, jusqu'au courage de penser. Mes parents se sont détachés de moi. Comment auraient-ils fait autrement devant l'attitude que j'ai prise? J'ai pris parti pour Luc contre eux. Je les ai déçus, peinés. Je n'aurai plus jamais maintenant le courage de me tourner vers eux. Je suis seule avec mon malheur, seule avec ma détresse que j'ai forgée de mes propres mains. Je n'ai plus personne. Je suis là, moi, dit Mario doucement. Josie secoua la tête avec tristesse. « Je le sais, répondit-elle, je sais que vous m'aimez, et si mon cœur n'était pas mort, c'est vers vous que je serais allée. Mais je ne pourrai plus jamais aimer. Je ne vous demande pas cela, laissez-moi seulement vous arracher à votre malheur. Vous serez une amie, mon amie, rien que cela, je vous le jure, et je vous emmènerai là-bas, dans ce pays qui est devenu le mien. Je suis certain que vous y oublierez toutes ces laideurs. » Une lueur d'espoir brilla dans les yeux de Josie. Partir, oublier, sentir près de soi une affection tendre et désintéressée, redevenir elle-même, quel rêve! « Vous croyez que je pourrais oublier ?» demanda-t-elle. Mario n'eut pas le temps de répondre. La haute silhouette de Luc s'encadrait dans la porte du bar. L'homme n'eut qu'un mot bref. « Viens » commanda-t-il. Et Josie, lentement, comme à regret, se leva. Elle regarda Mario de ses yeux d'où l'espoir avait fui, baissa la tête et suivit son bourreau. L'officier avait crispé ses mains au bras de son fauteuil, prêt à intervenir à nouveau. Mais à quoi bon ? Josie seule était maîtresse de son destin. Puisqu'elle suivait son mari, il n'avait pas le droit de s'interposer, de compliquer encore une situation difficile. « Un autre cognac ?» demanda Mario. Mais la boisson ne pouvait pas passer dans sa gorge serrée. Tout son être était contracté à tel point que, sans même qu'il y prît garde, le verre se brisa entre ses doigts. Chapitre 3. Heureuse, Josie ? Demanda Mario. Presque, répondit la jeune femme. En tout cas, je me sens différente, si calme, si apaisée et surtout propre et nette. Je n'ai plus à me reprocher ma constante lâcheté, j'ose me regarder en face. Vous ne pouvez pas savoir quelle joie on éprouve à cela, vous qui, jamais sans doute, n'avez eu à rougir de vous. Et c'est à vous que je dois cette joie. » Ils étaient assis dans le patio de la maison arabe où logeait le capitaine Servan, non loin du poste dont il assurait le commandement. Depuis 6 mois, Josie était en Afrique. Le soir de la scène, au cours de laquelle Mario était intervenu, Josie était remontée avec son mari après l'émouvant récit qu'elle avait fait à Mario. Tout semblait calme chez ses voisins quand l'officier regagna sa chambre longtemps après. Il avait eu peine à trouver le sommeil, hanté par les yeux noyés de larmes, la voix tremblante, la détresse de la jeune femme. Il n'y avait aucune solution au douloureux problème, puisqu'elle refusait non seulement l'amour de Mario, mais son aide seulement. Il s'endormit à l'aube et fut éveillé en sursaut par les éclats d'une voix trop connue. « Assez ! J'en ai assez ! Je pars tout à l'heure avec Lisa et je réglerai la note ici. Tu iras où tu voudras, mais surtout pas à la maison. Je te l'interdis, les domestiques auront des ordres pour te jeter dehors. » Mario n'entendit pas la réponse de Josie, mais il la devina par les mots de Luc. « Je ne suis pas en peine pour toi. Tu as ici un dévoué chevalier servant qui ne demandera qu'à t'offrir ce service et le reste. Au revoir. » La porte avait claqué. Le silence était retombé. Sans plus réfléchir, Mario avait sonné le garçon d'étage, lui avait remis un mot pour Josie. « Je serai au bar dans quelques instants. Rejoignez-moi dès que vous le pourrez. Je viens d'entendre ce qui s'est passé. Plus que jamais, considérez-moi comme votre ami. » Et Josie avait suivi Mario, qui avait écourté sa permission pour emmener au plus vite la jeune femme vers le calme saharien. Il ne partait pas seul. Une cousine de Mario avait accepté de servir de compagne à Josie, une vieille demoiselle spirituelle et gaie, une amie en même temps qu'un chaperon excellent. Les deux femmes habitaient non loin de chez Mario, dans une maison spacieuse et confortable que, par un heureux hasard, le départ d'un fonctionnaire laissait libre. Le capitaine avait tenu sa promesse. Il avait été un ami tendre, dévoué, empressé, mais un ami seulement. Pas un mot d'amour n'avait passé ses lèvres. Et c'est avec joie qu'il avait vu Josie se transformer peu à peu sous ses yeux. Il avait fait d'elle une autre femme, la jeune fille qu'elle avait été sans doute. Restée menue, Josie avait cependant perdu cet air d'oiseau effarouché qui avait tellement frappé Mario lors de leur première rencontre. Un sourire, souvent, illuminait le visage apaisé, détendu. La jeune femme ne cachait pas sa joie lorsque Servan paraissait au seuil de sa maison. Leurs rencontres étaient fréquentes, d'ailleurs, et il ne se passait pas de jour qu'ils ne fussent réunis pendant de longs instants, dès que le capitaine pouvait se libérer de son service. Ce soir-là, Josie paraissait se détendre davantage encore. Toute dorée dans sa robe blanche, un burnous léger sur les épaules, il lui semblait voir avec des yeux nouveaux l'homme assis en face d'elle, bien pris dans l'uniforme blanc et le sérouel, le large pantalon arabe. Le cœur meurtri s'apaisait. L'amour poussait ses racines sur la terre morte. Le Sahara stérile n'a-t-il pas, lui aussi, ses plantes profondes aux longues racines ? L'air était d'une pureté inimaginable et le crépuscule tombait en lassant les couleurs. On entendait au loin une mélopée lente et douce, les noirs qui chantaient. « C'est à vous que je dois cette joie !» avait dit Josie. Mais Mario se dérobait au compliment. « Pas à moi seul, à cette terre aussi, la terre du bonheur !» Il s'était tu pendant que le boy servait des boissons fraîches, et Mario se sentait glisser à des paroles trop douces. Hésitant, au moment de les prononcer, il voulut reprendre un bavardage indifférent. « Qu'avez-vous fait aujourd'hui » demanda-t-il. « Je me suis longuement promené dans l'ergue. Je me sentais si loin de tout ce qui blesse. »« Toute seule, vous ne vous êtes pas ennuyée ?»« J'ai fait des rencontres, des haratines, comme vous appelez les femmes de ce pays. » Elles sont belles et rieuses, pas farouches, et comme j'admirais un de leurs bébés, elles ont toutes voulu me montrer leurs enfants. Comme ils sont beaux, ces petits corps de bronze, râblés et lisses comme du métal. Josie s'arrêta un instant, l'air rêveur et lointain. J'aurais voulu un enfant, reprit-elle, mais il est trop tard. Pourquoi trop tard? Vous pouvez refaire votre vie maintenant. Luc, en effet, décidé à se débarrasser de sa femme, avait demandé le divorce dès son retour à Paris, après sa fuite avec la servante. Mario n'avait pas entendu le début de la scène où Merviel avait signifié ses intentions à sa femme, et c'est plus tard que Josie avait mis l'officier au courant. La procédure suivait son cours, la jeune femme ayant tout accepté, et le divorce devait être prononcé dans très peu de temps. « Refaire ma vie après cette expérience, » dit Josie, « l'oserais-je jamais ?» Mario la sentait frémissante, partagée entre des sentiments contradictoires. Il savait qu'elle l'aimerait, qu'elle l'aimait déjà. Ne lui avait-elle pas dit à l'hôtel « Si je devais suivre quelqu'un, ce serait vous ?» La vie et l'amour seraient les plus forts, Servant n'en doutait pas, mais que le temps lui semblait long. Josie oubliait Luc, mais non le mal qu'il lui avait fait. Elle devait se rendre compte, pourtant, que Mario était une autre sorte d'homme. Pendant ces 6 mois, ne lui avait-il pas donné des gages de sa tendresse, de sa droiture? Mais l'autre aussi, parbleu, pendant ces mois heureux où l'amour de Josie s'était exalté. Mario sentait que, ce soir, il devait parler. Le moment était propice pour redire son amour. Il ne fallait pas laisser passer cet instant. « Avec moi, Josie, auriez-vous peur d'oser » demanda-t-il d'une voix chargée d'émotion. La réponse fut prompte. « Peut-être un jour plus tard. » Mario saisit la main abandonnée, y posa un baiser reconnaissant. « Ah, merci, Josie, merci pour cet espoir. J'attendrai tout le temps qu'il faudra. Vous le savez bien que j'attendrai, puisqu'il n'y aura que vous dans ma vie. »« Pourquoi nous sommes-nous rencontrés si tard, Mario ? » soupira-t-elle. « Il le fallait sans doute pour que nous connaissions le prix de notre amour. » Le silence, à nouveau, retomba entre eux, chargé de tant de choses inexprimées. « Vous savez que j'ai une mauvaise nouvelle à vous apprendre, » dit Mario tout à coup. « Je n'ai guère à en attendre de bonne. Je m'exprime bien mal. Une mauvaise nouvelle pour moi. Je pars demain en mission avec mes méharistes, des bandes de pillards à disperser assez loin dans le bled. Il y aura du danger ?» Une émotion avait passé dans la voix de Josie. « Il y en a toujours dans ce genre d'expédition, déclara Mario avec calme. Mais ce n'est pas cela qui m'effraie. C'est de rester un mois loin de vous. Un mois sans vous voir, sans vous parler, ce sera dur, terriblement dur. C'est une mauvaise nouvelle pour moi aussi. Croyez-vous que votre présence ne va pas me manquer ? Nos rencontres quotidiennes, nos promenades, nos bavardages, nos silences même, fini pour un grand mois. Mario ressentait une douceur infinie à voir la tristesse soudaine qui s'était emparée de Josie à l'annonce de son départ. Une preuve de plus qu'elle l'aimait, que sa présence lui était devenue indispensable. Il emporterait ce viatique précieux au cours de sa mission. Il pouvait espérer, sans crainte d'être déçu. « La nuit est tombée, fit Mario, je vous raccompagne jusque chez vous. Aussi bien, il faut que je prévienne ma cousine de mon départ. » Frileusement, Josie ramena sur elle les pans de son burnous, comme si un froid subit l'avait envahi, et régla son pas sur celui de Mario. Les deux femmes retinrent l'officier à dîner, mais une lourde mélancolie pesa pendant tout le repas. Ni Josie ni Mario ne parvenaient à secouer la tristesse soulevée par la séparation inattendue et si proche. Servan prit congé de bonne heure, ayant, dit-il, à régler les derniers détails du départ, et quand Josie lui dit adieu, adieu pour un mois, il répondit « Dans un mois, vous aurez peut-être trouvé une réponse au problème que vous pose la vie. » Quand la colonne s'ébranla dans le petit jour naissant, Josie était accoudée sous la véranda. Elle savait que le capitaine et ses hommes devaient suivre la route qui longeait la maison et elle voulait que Mario emporte son image. Il passa, droit et fier sur son méhari au trot allongé, jetant un dernier signe d'amitié à celle qu'il aimait et qui, seule, pouvait assurer son bonheur. Et Josie, en larmes, vint s'abattre dans les bras de la vieille cousine, qui la calma avec douceur. « Un mois, Josie, ce n'est pas le diable, voyons. Et puis, Mario fait son métier de soldat, un métier qu'il aime et que vous devez apprendre à aimer vous aussi. » Ni Josie ni Mario n'avaient fait de confidence précise à la vieille demoiselle. Elle était la seule parente de Mario et vivait d'une petite rente que lui avait laissée la mère du jeune homme. C'est dire qu'elle était toute dévouée au capitaine et qu'elle n'avait pas hésité à quitter ses chères habitudes, son vieux quartier du Luxembourg, lorsque Mario lui avait dit « Maryse, j'ai besoin de toi. Il faut que tu viennes en Afrique passer quelque temps auprès de moi, avec une jeune femme dont l'état moral nécessite les plus grands ménagements. » Tout de suite, Maryse avait sympathisé avec celle qui lui était confiée et, comme Mario à la montagne, elle avait deviné un drame dans cette existence. Très vite aussi, elle avait compris que l'amour avait tissé ses liens entre les deux jeunes gens, soupçonnant qu'un obstacle se dressait entre eux, mais jamais elle ne s'était permis une allusion à cet amour, traitant Josie comme une amie, une sœur beaucoup plus jeune, sur qui elle veillait doucement. Son influence discrète avait beaucoup aidé son cousin dans l'œuvre de régénération morale entreprise pour Josie. Elle était récompensée maintenant par l'affection profonde que lui montrait la jeune femme qui, ce soir, parlait de son amour. « Je n'aurais pas dû le laisser partir ainsi. Il sait que je l'aime, mais je n'ai pas pu, hier, lui donner la réponse qu'il souhaitait, lui dire que je l'attendrais comme une fiancée. » « Allons, Josie, pas d'enfantillage. Puisqu'il sait que vous l'aimez, puisqu'il vous aime lui aussi, il saura attendre et la joie sera plus grande au retour d'apprendre que vous consentez à être sa femme. Nous parlerons de lui autant que vous le voudrez. Je vous aiderai à le mieux connaître, moi qui l'ai suivi depuis son enfance, qui sais ce qu'il vaut et ce qu'il est. » De fait, Josie ne se lassait pas d'entendre la vieille fille qui racontait l'enfance, puis la jeunesse studieuse de Mario, répétant ses mots d'enfant, disant sa tendresse immense pour sa mère, sa loyauté profonde, sa haute spiritualité. Ensemble, les deux femmes feuilletèrent maintes et maintes fois l'album de cuir plein de photos de famille, dont Maryse ne se séparait jamais et où Mario figurait à tous les âges de sa vie. Et pendant ce temps, le capitaine galopait à travers le désert, poursuivant les dissidents insaisissables dont la présence lui avait été signalée et qui semblaient se fondre dans les sables aussitôt qu'on les approchait. Enfin, une embuscade fut tendue. La colonne de servants opéra sa jonction avec une autre colonne venue d'un poste situé plus au sud. L'engagement fut sérieux, mais les Méharis restèrent maîtres de la situation. Après les fatigues du combat, la lutte contre la soif et l'immensité blonde, il y eut les interminables palabres avec le cheikh dissident, les réceptions fastidieuses marquant la soumission dans le faste oriental. Servant devait garder toute sa lucidité pour mener à bien les négociations en se gardant des traîtrises de dernière heure. Chaque soir, il regagnait sa tente AAC, mais l'image de Josie le soutenait dans les heures difficiles et il s'endormait en prononçant le mot aimé. Enfin, tout fut fini. Mario et sa colonne prirent le chemin du retour, un mois après le départ, comme il avait été prévu. Le capitaine s'irritait des lenteurs de la marche. Il aurait voulu devancer ses hommes, mais le devoir le retenait près de ses troupes. Il rongeait son frein en silence. Les dernières heures d'une séparation sont toujours les plus longues. Mario en faisait l'expérience douloureuse. Au départ, la perspective de l'action, les responsabilités qu'il savait peser sur lui, la direction de l'expédition, tout cela lui laissait à peine le temps de penser. Mais maintenant qu'il avait réussi, que son esprit était libéré de toute préoccupation étrangère à son retour, les minutes lui semblaient des siècles, la piste s'allongeait interminable. Sa seule consolation était de se dire que chaque foulée de son Méhari le rapprochait un peu plus de Josie. La dernière halte, demain, tout à l'heure. Enfin, la maison de Maryse et de Josie. Mais nul ne se montra lorsque passa la colonne. Mario, toutefois, n'y prit pas garde. Josie, sans doute, était sortie comme chaque après-midi. Et puis, ni le jour ni l'heure exacte de son retour n'avait été fixé. La surprise n'en serait que plus belle. En hâte, Mario accomplit au poste les dernières obligations qui lui incombaient, veillant au bien-être de ses hommes et de ses bêtes après la randonnée harassante, écoutant avec impatience le rapport du lieutenant qui avait pris le commandement en son absence et qui s'étendait complaisamment sur des détails sans importance. « En somme, tout va bien ici ?» coupa Mario. « Tout va très bien. Le colonel a annoncé son arrivée pour bientôt. Il sera content de voir la colonne de retour. Nous reparlerons de tout cela demain. » « Je suis un peu fatigué, vous vous en doutez. Je rentre chez moi. » Le capitaine, cependant, ne prit pas le temps de passer chez lui. Tout de suite, il alla chez sa cousine. Il aurait voulu courir, et pourtant, ses jambes lui semblaient de plomb tant il était ému. Il arriva, le cœur fou, ne put se retenir d'appeler. « Josie ! Josie !» Ce fut Maryse qui parut sur le seuil, et Mario lut le malheur sur son visage. « Josie » répéta-t-il, mais avec moins d'élan, inquiet soudain. « Elle est partie, Mario. Tu ne la manques que de quelques jours. »« Partie ? Mais c'est impossible. Pourquoi ? Qu'est-il arrivé ?» Mario, atterré, s'était laissé tomber sur un des fauteuils de la véranda, tandis que Maryse expliquait « Josie a reçu un télégramme. »« Que disait-il ? » interrogea Mario. « Elle ne m'a rien dit. Je l'ai vue pâlir. Ses yeux se sont emplis de larmes. « Il faut que je parte, Maryse, m'a-t-elle dit. Tout de suite, le plus tôt possible. « Tu sais que je n'aime pas poser des questions indiscrètes, mais devant mon étonnement, Josie a repris. « Ne me demandez rien, Maryse. Je ne peux pas vous expliquer. Mario vous dira quand il aura reçu la lettre que je vais lui écrire. Ne me jugez pas mal. » « Je l'aime, mais il faut que je parte. »« J'ai pensé, bien sûr, à te prévenir, mais où ? Comment ? il était impossible de communiquer avec toi. Je suis navré, mon grand, du mal que je te fais. » Mais Mario n'écoutait plus. Il fuyait comme un fou, cachait sa douleur, remâchait sa déception immense. Josie partit, mais pourquoi? Et qui l'avait rappelée? Ses parents? Malade? Elle l'aurait dit à Maryse. Quelque chose était arrivé, une chose folle, imprévue, mais quoi? Le premier choc passé, Mario se calma. Il fallait attendre la lettre annoncée. Josie expliquerait sans doute un événement bien simple, annonçant en même temps son retour prochain. Et pourtant, le doute, la peur reprenaient le dessus. Il fallait que ce fût une chose grave pour que Josie eût refusé de parler à Maryse. L'intimité avait grandi entre les deux femmes, la cousine de Mario ne le lui avait pas caché. Pourquoi, mais pourquoi cet incompréhensible silence? Mario fut un peu distrait de sa tristesse par l'arrivée du colonel qui aimait beaucoup le chef de poste. Il ne ménagea pas ses félicitations pour l'heureuse issue de la mission et les négociations conclues par Servan. « Nous voilà tranquilles pour un long moment dans ce coin, mon cher, et je ne serais pas étonné qu'un galon supplémentaire ne vienne orner votre manche d'ici peu. » Le capitaine remercia, s'efforçant de cacher son malaise, mais si son corps était présent, s'il faisait bonne figure aux fêtes organisées aux messes en l'honneur du colonel, son esprit était absent, obsédé par un mot, toujours le même, « Pourquoi ?» Et la lettre arriva enfin, pas une lettre d'ailleurs, un court billet qui n'apprenait rien à Mario, mais confirmait simplement le désastre. « Il fallait que je parte, » écrivait Josie. « Je ne puis ni ne veux vous expliquer ce qui s'est passé. Mais tout amour est impossible entre nous. Comme je vous regretterai, Mario. Combien j'aurai de regrets de ce qui aurait pu être. À toutes les minutes de ma vie, vous serez présent à mon souvenir. Gardez-moi une toute petite place dans le vôtre, mais oubliez-moi cependant. Ne gâchez pas votre vie comme j'ai gâché la mienne. » « Merci pour tout. Josie. » La rage le disputait au chagrin pendant que Mario lisait ses lignes cruelles. Josie l'aimait, elle l'avait dit, elle l'écrivait, et il devait renoncer à elle à tout jamais. Non, c'était au-dessus de ses forces. Et d'ailleurs, il voulait savoir. Il lui fallait connaître la raison que Josie ne voulait ni ne pouvait lui révéler. Donc c'était Luc sûrement. Par quel piège infâme l'avait-il reprise? Quel chantage odieux avait-il inventé pour que Josie réaccepte le joug odieux? Très vite, Mario prit une décision. Il partirait. Il irait en France pour défendre Josie contre elle-même et contre tous. Il ne pouvait laisser détruire en quelques heures son œuvre patiente de 6 mois. Il avait maintenant des droits sur Josie. Luc ou un autre? Un homme que Mario ne connaissait pas. Mais Servan se reprochait ses soupçons indignes de Josie, indignes de lui. Depuis qu'elle était en Afrique, elle n'avait reçu d'autres lettres que celles de son homme d'affaires. Mario, encore une fois, relut le billet terrible et tout de suite se rendit auprès du colonel. « Mon colonel, déclara-t-il sans préambule, j'ai une faveur à vous demander. » « Accordez d'avance, Servant !» Le capitaine ne put retenir un sourire devant la générosité de son chef. Il remarqua « Je crains que vous ne vous engagiez beaucoup, mon colonel, car la faveur est d'importance. » « Dites toujours. Je voudrais une permission exceptionnelle pour aller passer quelques jours en France. Des affaires de famille réclament ma présence de toute urgence. » « Quand voulez-vous partir ?» « Le plus tôt possible. Alors, je vous emmènerai demain dans l'avion qui vient me prendre. Vous gagnerez beaucoup de temps. »« Ne me remerciez pas, » ajouta le colonel avant que Mario eût ouvert la bouche. « D'abord, vous n'avez pas pris la totalité de votre congé il y a 6 mois, et grâce à vous, la dissidence est matée par ici pour un long moment. Je ne vois donc aucun inconvénient à ce que vous vous absentiez pour quelque temps. Vous l'avez bien gagné. » Chapitre 4. Mario était tellement sûr que Luc était pour quelque chose dans la décision de Josie qu'il était venu directement à Paris. Il connaissait l'adresse de la jeune femme pour l'avoir vue sur ses bagages et, bien qu'il ne l'eût pas notée, son esprit l'avait enregistrée par bonheur. Le numéro de téléphone était facile à trouver et Mario, déposant sa valise à la consigne, téléphona de la gare même. Sa gorge se noua lorsqu'il entendit, au bout du fil, la voix même de la fugitive. « Josie, c'est moi, Mario. Je veux vous voir. Il le faut. Je suis venue à Paris tout exprès. Vous ne pouvez me refuser une dernière entrevue, une explication tout au moins. » Un long silence, si long que Mario appela, anxieux. « Josie, vous êtes toujours là ? Josie !» Et la réponse vint enfin d'une voix terriblement émue. « Venez, je vous attends. » Les Merviel habitaient au fond de Passy, dans une rue calme et presque provinciale, où leur maison, un bel hôtel particulier, se dressait au milieu d'un jardin ombragé. Dès le vaste hall, garni de meubles anciens et dont les murs portaient de fort belles tapisseries, on sentait qu'un goût sûr avait présidé à l'arrangement de cette maison, qui révélait un luxe discret et solide. L'impression de Mario se confirma dans le petit salon où la femme de chambre le fit entrer. Sur le tapis cloué de ton neutre, un kirman de prix aux teintes douces, des bergères profondes, une vitrine de Ming de la bonne époque, une commode boule au bronze délicat. Bien sûr, pensa Servan, la vie là-bas manquait d'attrait pour une femme comme Josie, habituée au luxe et au confort. Jamais elle n'a manifesté l'ombre d'un regret, mais elle n'en souffrait sans doute pas moins. Comment n'y ai-je pas songé plus tôt? Et que suis-je venu faire ici? Il connaissait pourtant la réponse à cette question. Il savait qu'il l'aimait, qu'il avait gagné son amour avec trop d'angoisse et de souffrance pour renoncer avant d'avoir combattu. Certes, il lui offrait une vie bien différente de celle que Josie avait menée jusqu'alors, mais la paix morale qu'elle aurait trouvée auprès de lui ne méritait-elle pas quelques concessions matérielles? Et tout à coup, sans que Mario l'eût entendu entrer, Josie fut devant lui. Il l'enveloppa d'un regard fervent. Elle était si belle! Elle n'avait pas eu le temps de perdre cette teinte dorée donnée par le soleil d'Afrique, cet épanouissement de plantes fragiles mais saines qui était l'œuvre de Maryse et de Mario, mais comme elle semblait lointaine. Servant sentait entre eux comme un mur épais, infranchissable. « Josie, Josie !» dit-il enfin, incapable d'articuler autre chose que le nom si cher. « Mario, mon cher, mon grand ami » répondit-elle en tendant ses deux mains avec élan. « Pardonnez-moi d'avoir forcé votre retraite, mais je devenais fou, là-bas, tout seul, incapable de comprendre, de deviner. Il fallait que je sache. » « Pourquoi êtes-vous revenu, Josie ?» La jeune femme hésitait, regardant seulement Mario avec une tristesse grandissante. Il insista. « Pourquoi ou pour qui? Pour lui, n'est-ce pas? Vous l'aimez encore ?»« C'est vous que j'aime, Mario, » dit-elle enfin, « mais un autre a des droits sur moi. »« Votre mari ?» Elle inclina seulement la tête et Mario explosa. « C'est une folie, Josie !» Il n'est pas possible que vous vous soyez abaissé jusqu'à revenir vers lui, vers cet être qui vous a fait tant souffrir, qui vous a bafoué si souvent, qui a été jusqu'à lever la main sur vous. Je ne comprends plus. Vous allez comprendre. Josie avait entrouvert une porte, faisait signe à Mario d'approcher, posant un doigt sur ses lèvres pour lui recommander le silence. Et Mario comprit en effet. Dans la pièce voisine, Luc, le beau Luc, était installé dans un fauteuil roulant, le buste soutenu par des coussins, les jambes enveloppées d'une couverture, le visage zébré de cicatrices affreuses. Les yeux clos, le malade semblait somnoler. Quel que fût son ressentiment contre Merviel, Mario ne put se défendre d'un sentiment de pitié pour l'être déchu qu'il avait sous les yeux. Il eut un geste de surprise et recula tout de suite, comme effrayé par ce qu'il venait de voir. Avec précaution, Josie referma la porte et, désignant un fauteuil à Mario, elle s'assit en face de lui. Je vais vous expliquer maintenant. Vous avez le droit de savoir. Tout ce que j'ai appris, ce ne fut que par bribes, mais j'ai pu reconstituer à peu près la vie de mon mari au cours de ces 6 mois. Tout de suite après notre séparation, il tenta un coup de bourse audacieux avec ce qui restait de ma fortune. Il eut la chance de réussir et de faire ensuite plusieurs placements avantageux qui lui assuraient un avenir sans souci pour un très long moment, sinon pour toujours. Une vraie chance, puisque, comme je vous l'avais dit, je nous voyais courir à l'abîme. Plus question, bien entendu, de vendre cet hôtel, de le bazarder, comme Luc en avait plusieurs fois manifesté l'intention. Il fallait, au contraire, trouver une maîtresse de maison digne du cadre, autre chose qu'une Lisa qui fut tôt liquidée. C'est sur une actrice assez en vogue que Luc jeta son dévolu, une femme plus connue d'ailleurs pour son extravagance que pour son talent. Je passe sur les fêtes qui furent données ici, chez moi, sur la vie menée à grande guide. J'en viens tout de suite au drame, car ce fut un drame. Il y a 6 semaines, Luc partit pour la côte avec sa maîtresse, au volant d'une puissante voiture toute neuve. Fut-il imprudent? Y avait-il une pièce défectueuse dans la machine? L'enquête n'a pas permis de l'établir. La voiture capota en pleine nuit et prit feu. La femme fut tuée. Luc avait eu le temps de sortir des débris avant l'incendie, mais dans quel état? Le visage labouré, des côtes enfoncées, les deux jambes brisées, des cendres nerveuses atteints. Jamais plus il ne retrouvera l'usage de ses jambes. C'est un grand malade, un infirme dont, par surcroît, le cœur n'est pas solide et qu'il faut entourer de soins constants. Lorsqu'il est sorti de la clinique où on l'avait transporté, il a demandé à revenir ici. Une infirmière reste près de lui constamment, mais si dévouée soit-elle, une femme que l'on paie ne saurait tenir lieu de famille, n'est-ce pas? Or, Luc n'a plus personne autour de lui que moi, sa femme. Ce n'est pas lui qui m'a envoyé la dépêche, mais notre homme d'affaires qui a cru devoir prendre cette initiative. Le télégramme ne contenait aucun détail, mais il était terriblement éloquent dans sa brièveté. Oh, j'en connais les termes par cœur, tant ils m'ont fait mal. Merviel, victime, accident très grave, crois votre présence indispensable. Je suis venu, je suis resté. Je ne pouvais pas agir autrement, n'est-ce pas? À son tour, Mario inclina la tête. « Non, » dit-il très bas. Il prit la main de Josie et posa un baiser frémissant. Jamais il ne l'avait tant aimée qu'en cet instant où il la perdait à jamais. « Je ne pouvais pas vous écrire tout cela. Il fallait voir pour comprendre. Je vous remercie d'être venu, Mario. Vous savez que je vous aime, mais notre amour est impossible. Nous devons nous résigner, quoi qu'il puisse nous en coûter. » « Je ne vous importunerai pas, Josie. Le devoir passe avant nos peines et nos déceptions. Mais je voudrais vous poser une question. Comment Luc se comporte-t-il avec vous depuis votre retour ?»« Il a bien changé, » dit Josie avec un pâle sourire. « Sa douceur m'aide beaucoup dans la tâche ingrate qui est et sera la mienne désormais. Dès qu'il m'a vu, il a eu un élan que je ne peux oublier. « Toi, Josie, » m'a-t-il dit, que ta présence me fait donc du bien. Merci et pardon. Pardon pour tout, pour mes violences, pour mon cynisme, pour mes écarts, pour ma conduite odieuse depuis notre mariage et même avant. Tu viendras me voir quelquefois, n'est-ce pas ? A-t-il demandé timidement. Et quand je lui ai fait part de ma décision de rester désormais près de lui, il a commencé à s'insurger. Pas avec la violence d'autrefois, certes, mais avec une sorte d'humilité triste qui augmentait encore ma pitié. « Je ne peux pas accepter ton sacrifice, Josie, » disait-il. « Tu ne peux pas envisager de consacrer toute ta vie à un infirme, à une locumène, un grand malade cloué pour jamais dans ce fauteuil. Je ne mérite pas ce sacrifice, d'ailleurs. Je n'en suis pas digne, je t'ai trop fait souffrir. Tu as le droit de vivre, toi. » Ses larmes coulaient tandis qu'il s'accusait ainsi, et j'ai dû le calmer comme un enfant, l'assurer que vivre à ses côtés n'était pas un sacrifice, mais un devoir très doux. Je devais parler ainsi, n'est-ce pas, Mario ? Bien sûr. par moments, il assure que je vais me lasser, mais ses affirmations ont de moins en moins de force à mesure que passent les jours. Il ne crie plus, on dirait presque qu'il veut se faire oublier. Il me remercie des moindres attentions, des moindres gestes. Le seul fait de redresser ses coussins fait parfois monter des larmes dans ses yeux et il me regarde avec pitié. Je ne l'aime plus, je n'ai que faire de ma pitié, mais je lui souris. Je feins la vaillance. Il doit croire que je suis heureuse. Il le faut, n'est-ce pas ? Sans cesse, j'osai quêter l'approbation de Mario. Cette fois encore, il la donna sans réserve. « Il le faut, dit-il. Le sacrifice n'est rien s'il n'est accompli totalement, avec cette sorte de joie que donne l'oubli de soi-même. » Josie eut un regard reconnaissant pour Mario. Il l'approuvait pleinement. Il l'aidait dans le dur renoncement, évitant les regrets stériles, oubliant sa propre peine pour essayer d'adoucir la sienne. Comme elle l'aimait, elle aussi, dans cet instant. Elle eut un remords de ne parler que d'elle, et d'une voix profonde, elle dit encore « Je voudrais que vous me fassiez une promesse, Mario. Je vous accorde tout ce qui est en mon pouvoir, vous le savez. Oubliez-moi, Mario, faites un effort pour m'oublier. C'est la seule chose que je ne puisse vous promettre. Jamais plus vous n'entendrez parler de moi, mais mon souvenir vous restera fidèle jusqu'à mon dernier souffle. Je n'ai plus rien à faire ici. L'Afrique, mon métier que j'aime, seront mon refuge. Maryse, peut-être, restera encore quelque temps près de moi et je retrouverai ma solitude, comme avant, mais vous la peuplerez. Sachez seulement que je reste votre ami et que vous pouvez disposer de moi en quelque circonstance que ce soit. » Mario s'était levé, prêt à prendre congé, mais Josie le retint d'un geste. « Restez encore, Mario. Accordez-moi encore un peu de votre présence. N'écourtez pas cette entrevue, si douce et si amère à la fois, puisqu'elle est la dernière. » Et Mario resta, incapable de refuser cette joie qu'il goûtait lui aussi avec une telle intensité douloureuse. Luc ne dormait pas quand Josie avait entrouvert la porte. La femme de chambre l'avait éveillé en annonçant la visite de Merviel et il avait tressailli en entendant le nom. Mais il avait gardé les yeux clos pour épargner toute explication à Josie et lorsque la jeune femme était sortie pour recevoir le visiteur, il avait roulé son fauteuil tout près de la porte. Et il avait tout entendu. Quelque chose se brisa en lui. La femme douce, loyale, si bonne et si pure avait gagné. Il était définitivement vaincu. Ainsi, non seulement Josie lui sacrifiait sa vie, mais encore son amour, un amour aussi profond que celui qu'elle lui avait voué autrefois et qu'il avait souillé lamentablement. Il revit en pensée les 3 années qu'il avait passées aux côtés de Josie. Il mesura le fond de son indignité, mettant en balance l'inépuisable patience de sa femme, les soins qu'elle lui prodiguait sans répugnance, l'affection même qu'elle lui témoignait. Une onde de tendresse toute fraîche envahit l'âme du malheureux. Il souhaita, à son tour, faire quelque chose pour Josie, une chose dont elle put lui être reconnaissante et qui marqua vraiment un désir de rachat. Mais quoi ? Que pouvait-il pour sa femme ? Un sourire illumina tout à coup le visage du malade. Il avait trouvé. La seule chose qu'il put faire pour Josie, c'était de lui redonner le bonheur, et pour cela, il fallait la délivrer de sa présence. Il était maintenant un être inutile, une charge bien lourde. Pour ce que valait sa vie, maintenant, il pouvait la sacrifier sans hésitation. À quoi bon végéter plus longtemps ? Un simple geste et Josie serait libre, libre d'aller vers cet homme qu'il aimait et qui s'effaçait sans récriminer pour permettre à la jeune femme d'accomplir son devoir. Celui-là saurait la rendre heureuse comme elle le méritait. L'entrée de l'infirmière interrompit la méditation de Luc. « Votre piqûre, monsieur, c'est l'heure !» Luc réprima un sourire et tendit son bras sans protester. Elle était bien inutile, cette piqûre, puisqu'il allait mourir, mais pourquoi refuser, chercher des explications ? L'infirmière arrangea les oreillers, réenveloppa les jambes mortes dans la couverture qui avait glissé. « Besoin de rien ?»« De rien, merci. Je vais dormir un peu, je crois. Je sonnerai si quelque chose me manque. » Tout en parlant, il tâtait dans sa poche la petite fiole qu'il y avait glissée tout à l'heure, une drogue qu'il avait en réserve et qu'il avait songé à utiliser pour en finir lorsqu'il était seul, avant que Josie ne revienne. Il savait que son cœur ne supporterait pas cette dose trop forte et que tout serait fini très vite. Luc était lui-même étonné de son calme et de son courage. Comme c'était simple de mourir pour le bonheur d'un être tel que Josie. Il se pencha une dernière fois vers la porte, le plus près qu'il put, pour entendre encore la voix de sa femme. « Si calme là-bas, sous le grand soleil, si apaisant !» disait Josie. Et la voix de l'autre répondait « Oui, tout semble simple dans ce pays. » Mais Luc ne haïssait plus Mario depuis qu'il savait ce que cet homme avait fait pour Josie. La voix de la jeune femme s'éleva encore. Luc n'écoutait plus. Il avait élevé le flacon jusqu'à ses lèvres, il avalait l'amer breuvage avec une grimace, et tandis que les murmures devenaient indistincts dans la pièce voisine, il sentait une paix profonde l'envahir, tandis que ses membres s'engourdissaient, se refroidissaient rapidement. À côté, les deux amoureux torturés, plongés dans le souvenir des jours heureux, hantés en même temps par l'amertume de l'avenir, Josie et Mario ne savaient pas encore que Luc payait leur bonheur de sa misérable vie. Fin de Un impossible amour par Nicole Morand.